quand j'étais jeune, trop con. Quand je pense à mon enfance, j'aurais pu forger mon sixième sens. Seulement j'étais dans ma dance rock zouk, attendant patiemment que pousse mon bouc. Rien pour le look, la tête toujours sortie du bouquin. J'avais le toupet de dire que j'étais malin, mais plus teubé, ouais, y'a pas. Et ça tu le savais, tu m'as laissé rêver comme un con. Et tu disais être mon pote, mais tu te foutais. Ce qu'on pouvait dire dans mon dos me traitait, me souhaitant le pire. Ne te demande surtout pas ce que j'ai pu ressentir quand j'ai remarqué que mon meilleur ami pensait à me trahir. J'ai laissé tomber mon règne de KRA. C'est des montres, ne plus teubé quoi. Pour le peura, fallait pas être rare. Pour me racheter une conduite, le hip hop, mon sixième sens pour 2000. Juste pour le hip hop, je garde l'envie. J'aime le hip hop, j'en ferai ma vie. Félix, 5 ans que je commence dans la France. Maintenant, le hip hop devient mon sixième sens. J'en ferai ma vie. Juste pour le hip hop, je garde l'envie. J'aime le hip hop, j'en ferai ma vie. Félix, 5 ans que je commence dans la France. Maintenant, le hip hop devient mon sixième sens. Yeah, yeah. Juste pour le hip hop me garde en vie. C'est F-E-L-X, j'serai au top toute ma vie. Au lycée, avec mes potes, on écrivait des textes, mais rien de concret, c'est con, car les cours ont bâclé. Je me suis tourné vers la musique timide, mais complètement. Fallait que je trouve refuge, car les profs sont saoulants. En parlant de ça, à combien j'ai voulu taper en brouille, trop bête, imbécile, mon cas c'est les faut pas que chouille. L'image de l'école, même si l'école le samedi m'ont saoulé, même si je sais que c'était pas drôle. Et dans la rue, fallait faire sauter les scooters, le nombre dépendait de l'humeur. Sur les bords, j'étais fumeur, les rumeurs, ça y allait. Fallait se taire, pas se vanter, les balances, tu connais. Enfin, tout ça, ça fait partie de mon passé. Les conneries, l'époque où on voulait tout casser. Et maintenant, majeur, faut que j'impose ma présence. 2000, le hip-hop devient mon sixième sens, gars. Juste pour le hip-hop, je garde en vie. J'aime le hip-hop, j'en ferai ma vie. Félix, 5 ans que je commence dans la France. Maintenant, le hip-hop devient mon sixième sens. J'en ferai ma vie. Juste pour le hip-hop, je garde en vie. J'aime le hip-hop, j'en ferai ma vie. Félix, 5 ans que je commence dans la France. Maintenant, le hip-hop devient. Oups, vas-y, jure, vas-y, remets ça. Gauche. Yeah, qu'est-ce qu'on dit? X. 2000, cette année j'ai décidé de maîtriser le rap. Rien que la mort pourrait m'empêcher d'atteindre mon cap. Si je frappe, c'est que c'est ma dernière arme de survie. Juste pour le hip-hop me garde en vie. J'en ferai ma vie, quel que soit ton avis. Quand t'iras prier pour me ressembler, je t'attendrai sur le parvis. C'est parti, je me battrai jusqu'à la mort. Toujours plus fort, de jour en jour, mate mon essor. Quand je sors dehors et que les potes me demandent si ça avance, s'ils savaient le hip-hop, mon sixième sens. Pour le hip-hop, je garde en vie. J'aime le hip-hop, j'en ferai ma vie. Félix, 5 ans que je commence dans la France. Maintenant, le hip-hop devient mon sixième sens. J'en ferai ma vie. Juste pour le hip-hop, je garde en vie. J'aime le hip-hop, j'en ferai ma vie. Félix, 5 ans que je commence dans la France. Maintenant, le hip-hop devient mon sixième sens. Juste pour le hip-hop, je garde en vie. J'aime le hip-hop, j'en ferai ma vie. Félix, 5 ans que je commence dans la France. Maintenant, le hip-hop devient mon sixième sens. J'en ferai ma vie. Juste pour le hip-hop me garde en vie. J'aime le hip-hop, j'en ferai ma vie. Félix, 5 ans que je commence dans la France. Maintenant, le hip-hop devient mon sixième sens. Yeah. Ouais.